Le lundi et mardi, je suis en vacances. Mercredi et jeudi, je suis en congé. Vendredi et samedi, je suis en vacances. Et le dimanche, c'est fermé pour me reposer. Je suis toujours en vacances, du matin et jusqu'au soir sous les cocotiers. Je suis gai comme la chance, au soleil et sous la pluie, j'aime mon métier. Le lundi et mardi, je suis en vacances. Mercredi et jeudi, je suis en congé. Vendredi et samedi, je suis en vacances. Et le dimanche, c'est fermé pour me reposer. Je suis sur un petit nuage, je me lève le matin avec de l'entrain. Je suis tout jeune à mon âge, je suis un petit malin, j'aime le turbin. Le lundi et mardi, je suis en vacances. Mercredi et jeudi, je suis en congé. Vendredi et samedi, je suis en vacances. Et le dimanche, c'est fermé pour me reposer. Je tiens la bonne fortune, toute la sainte journée, je fais rigoler. Je tiens assis sur la lune, à garder ma liberté, j'aime mon métier. Le lundi et mardi, je suis en vacances. Mercredi et jeudi, je suis en congé. Vendredi et samedi, je suis en vacances. Et le dimanche, c'est fermé pour me reposer. Ouais!